Mais déjà, je vous entends au loin trépigner mes chiropracteurs. Mes électeurs. Comment ? Il a déjà fini ? Ces douces paroles ne viendront plus percuter mes oreilles avant son prochain discours, hein ? Hein ? Eh bien, rassurez-vous, je ne me serai pas arrêté sans me confesser, me livrer à vous. Les temps changent. Notre société évolue. Elle va de plus en plus vite. Et je me devais d'anticiper le changement. J'ai donc décidé, mes chers lecteurs, de me dissoudre, moi et mon conseil, et de me représenter pour de nouvelles élections municipales. Mes électeurs, je vous remercie. Électeurs, c'est quand même pas bien compliqué. Ah non, monsieur le conseiller! Je les connais, les méthodes modernes de la politique. Tous ces jeunes loups aux dents longues qui feraient n'importe quoi pour séduire une poignée de votants. Mais je ne me rendrai pas. J'ai des principes, moi, monsieur, et... Mais je voulais écrit là, sur le papier. Non, non, je vous l'ai dit, ce n'est pas possible. C'est un... j'ai des principes, écoutez, vous comprenez. C'est impossible. Bien, Carole. Il m'a l'air bien énervé, votre mère. Oh, vous savez, il est toujours comme ça quand il arrive les élections. Vous voulez dire qu'il ne va pas vraiment démissionner ? Aussi loin que je m'en souvienne, on a toujours procédé ainsi à Bigbourg. Le maire se dissout et de nouvelles élections le remettent dans ses fonctions. Personne ne s'est jamais présenté contre lui ? Si, une fois. C'était Albert Tollard. Il faisait campagne pour une politique plus répressive. Albert Tollard ? Le prisonnier ? Oui, il voulait que chaque délit soit passible d'une peine minimum incompressible de 10 ans. Mais il n'a pas pu être élu car il avait fait des choses. Des choses ? Bah oui, vous savez, des choses très vilaines. Ah oui, ces choses-là ! J'ai rien compris là. On n'a pas le temps, retournons au café, j'ai préparé un débouché vieux de ma composition. Mais c'est dégoûtant! Aussi loin que je m'en souvienne, on n'a rien trouvé de mieux pour déboucher les éviers. Bienvenue sur Bigbourg FM, la meilleure radio de tout le comté de Bigbourg, et d'ailleurs c'est la seule. Essayez donc de trouver une autre station sur votre radio, vous verrez, vous ne pourrez pas. Je suis le seul animateur de la bande FM, et je vais manger mon micro en direct pour mettre fin à mes jours. Ah, mais c'est que voilà mes apiculteurs préférés. Je vois là Carole, le sémillant bistrotier de la Joyeuse Goutte, et tous ses amis du Club Dorothée. Vérole de Macron, monsieur le maire, mais par où diable êtes-vous rentré ? Eh bien, par votre évier, quelle question ! Je me suis toujours senti l'âme d'un funambuliste. Ah, monsieur le maire, on vous change pas. Vous êtes bien comme tous ceux du 08 65 92 23 84. Eh bien, Corbier, vous restez quoi ? Allez-vous voter pour moi et mon conseiller pour les prochaines élections ? Notez avec quel courage j'ai remis mon titre en jeu au risque de faire sombrer Bigbourg dans le stupre et la luxure. Vincent David, je m'appelle Vincent David. Ah, je vois ! Pas de pitié pour les croissants, hein ! Mais dites-moi, monsieur le maire, quel est votre programme ? Eh bien, monsieur Simpson Jones, je n'irai pas par quatre chemins. En laissant la vie sauve à tous les peloteurs qui votent pour moi, je m'assure un plébiscite d'à peu près 95%. Restent les 5% de vote contre qui, dès la fin du dépouillement, sont mutilés, eux ou leurs familles. C'est ignoble ? Peu ! Les critiques d'une animatrice de divertissement me laissent de marbre. Ah, monsieur le maire, je vous trouve enfin. J'espère que vous avez pas trop parlé. Monsieur son conseil, quelle bonne surprise ! Je croyais que vous étiez mort ! J'étais en train d'expliquer à Jackie et Ariane mon programme électoral. Il voulait juste dire que les bites bourgeois et les bites en bourgeoise n'ont pas intérêt à voter contre monsieur le maire. Si fait, mon brave. Mais laissons là la campagne et saoulons-nous la gueule à mort ! C'est ça aussi la politique ! Ou être alcoolique, je sais plus. Carole, c'est ta tournée. Ma foi, je veux bien vous offrir tout ce que vous voulez. Vous m'avez si bien débouché mon évier, tellement bien d'ailleurs que je ne sais plus quoi faire de mon débouchévier. Si c'est pas malheureux tout ce gâchis. Tenez, monsieur Vincent, goûtez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Peut-être que ça a changé la nuit dernière, mais je croyais m'appeler Vincent David. C'est comme si moi je vous appelais Carole. Mais c'est quoi ça? Oh, calmez-vous, monsieur. C'est ce que je vous disais, ma spécialité. Mais ça fume! C'est plutôt joli cette couleur. Je me demande quel goût ça a. Ah non, ne bouffez pas! Écoutez, mon petit Jackie, ce n'est pas parce qu'en des temps obscurs télévisuels vous avez présenté Platine 45 que vous pouvez m'empêcher de m'adonner à mes penchants alcooliques. C'est vrai ça, qu'est-ce qui te prend? Arrête de t'énerver comme ça, on dirait que tu viens d'annexer les studettes. Mais vous ne comprenez pas? Ah non, ils n'ont pas compris. Y'a que j'ai envie d'aller aux toilettes. Ma foi alors, si vous avez envie, faut y aller. C'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Mais vous n'êtes pas obligé de casser tous mes verres, c'est pas très logique. C'est que... j'ai très envie. Tu viens, Rebecca ? Vincent, mais enfin, tu ne penses pas ? Je crois qu'il veut vous faire le coup du 08 36 68 69 69. Ah, moi aussi, quand j'étais jeune, j'aimais casser des verres et trousser la ribaude. Allez, Reb, viens. Tu as pensé à Monsieur Dumbo ? Eh bien, justement, y a plus Monsieur Dumbo. Oubliez Monsieur Dumbo. Allez, viens. Bon, on y va, mais fais vite. Et ça reste thérapeutique, mais Rebecca, tu ne te rends pas compte que je te sauve la vie ? Là, Vincent, tu exagères. Je ne suis pas en manque à ce point. Mais tu as vu la couleur de cette chose ? Ah ! Mon Dieu ! Mais c'est vrai ! Tu ne devrais pas porter des slips trop petits ! Non, je veux parler de ce breuvage. Carole essayait de nous refiler son débouchévier. Mais enfin, Vincent, tu vois le mal partout ! Tu aurais pensé que Carole, notre amie, voudrait nous empoisonner ? Tu oublies qu'il m'a déjà à moitié défoncé le crâne. Bon, Vincent, ça suffit. Tu commences à me les briser menus. Alors, tu remballes ton engin et tu me suis. Ils vont vraiment croire qu'on couche ensemble. Enfin, Rebecca, tu ne m'as jamais parlé comme ça ? Eh bien, c'est une erreur. Allez, hop ! Ah, voici mon convalescent. Je suis heureux que vous soyez guéri. Allez, vous devez avoir ça, maintenant. C'est étrange. Je pensais que les musclés étaient homosexuels. Oui, oui. Moi, j'ai très soif. J'ai bien envie de goûter votre boisson, là. Servi dans une boîte ? C'est que ce n'est pas n'importe quelle boîte. Et ce n'est pas non plus n'importe quel breuvage. Vous connaissez cette boisson ? Eh bien oui, Jackie, il s'agit, si mes sens ne sont pas trop émoussés par le pouvoir et la coke, du fameux pot de bienvenue de Bitbourg, le Hotburgs. Bienvenue Hotburgs ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bah, aussi loin qu'on s'en souvienne, on a toujours souhaité la bienvenue aux arrivants avec le Hotburgs. Mais nous sommes arrivés depuis 3 épisodes déjà ! C'est qu'on n'a jamais le temps avec vous, à toujours chercher la petite bête. Mais c'est que c'est très bon ! Il y a un petit goût de cannelle. Il y en a. C'est à la fois sirupeux et clair, sucré, épicé, rassé, fort, goûtu. Monsieur le maire ! Non ! Monsieur le maire ! Bah dis donc, c'est une sacrée mauviette votre mère. Il est pas si fort que ça votre cocktail. Enfin non, vous n'avez donc pas vu ? Il a failli s'étouffer avec votre boîte. Ça c'est sûr, avec sa manie de tout boire cul sec... Regardez, oh, il revient à lui. Quel beau rêve. J'étais dans l'espace. Vous y étiez tous là avec des combinaisons étranges. Nous étions dans un vaisseau spatial filant à vive allure dans l'hyperespace. Quand soudain, l'alarme nous signalant une intrusion étrangère hurla. Nous nous apprêtions à enfiler nos combinaisons de protection. Lorsque tout d'un coup, une forme étrange pénétrait dans la pièce, tuait net deux de mes camarades et me faisait face. C'était bleu, d'une matière étrange, proche du plastique. On aurait dit une boîte. Une boîte comme celle-ci, d'ailleurs. Ah ! Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais oui, Carole. Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Bah, c'est que Monsieur Vincent a cassé tous mes verres. Alors j'ai préféré mettre des petites boîtes pour boire un coup. Elles sont jolies, non ? Oh oui ! C'est un conditionnement original et tellement pratique. C'est un engin de mort ! C'est satanique ! Monsieur son conseil, faites quelque chose ! Oui, Carole. Oui. Carole, où avez-vous eu ces choses ? Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des ingénieux récipients. On appelle ça le PAX. Le quoi ? Plastique Alimentazione Condizione Speciale. Mais on l'appelle le PAX parce que c'est plus simple. Plastique Alimentazione Condizione Speciale. C'est mignon comme nom. Arrête Rebecca, c'est hideux. Et ce sera bientôt interdit sur toute la commune de Bitbourg. Tant que je serai vivant, il n'y aura pas de ces affreuses petites boîtes qui vous sautent à la gorge et vous font rêver des inepties. Je m'en vais de ce pas sortir un décret qui punira de mort toute personne qui utilisera ou même qui vantera les mérites de ces choses. Enfin, monsieur le maire, on n'a pas le droit de tuer des gens comme ça. Eh bien, on les condamnera à se tuer eux-mêmes. Vous venez, monsieur du conseil ? Monsieur sans conseil. Non, allez-y, j'ai des affaires urgentes à traiter. Eh bien, faites comme d'habitude, mettez-les dans la corbeille. Allez, ciao la compagnie ! BFM. vous êtes sur BBFM, la radio des bites bourgeois et des bites bourgeoises qui aiment la vie, la radio des gens qui se lèvent le matin avec la tête pleine d'envie, d'espoir et qui s'épanouissent pleinement, intellectuellement, sexuellement. Tiens, je vais mettre un petit adagio d'Albinoni tout en mangeant ses boîtes. Madame Grandjean, je vous assure que vous serez très bien avec une teinture prune. Et puis vous savez, cet été, la mode est au camailleux, alors installez-vous et laissez faire l'artiste. Je vous mets sous la couveuse, ne bougez pas, hein. Ah, monsieur Branle-Pahune, bonjour. On ne vous voit pas souvent ici. C'est que j'étais un peu à court ces temps-ci. Et maintenant? Ben, on peut pas dire que je roule sur l'or, j'ai les cheveux un peu longs et je peux pas trouver de travail comme ça, alors je me suis dit... Non, la maison ne fait pas crédit. Allez hop, on s'en va, allez-y. Vous avez qu'à garder vos cheveux longs, ça vous va très bien et vous pourrez toujours trouver un travail de publicitaire. Vous verrez, je reviendrai et vous verrez, je reviendrai. Mais oui, c'est ça. Ah, c'est qu'avec ces hippies, on n'est jamais tranquille, n'est-ce pas, Madame Grandjean, hein? Mais vous ne dites rien, Madame Grandjean? Oh mon Dieu! Madame Grandjean est en train de brûler! Aidez-moi à la sortir de là! Bonjour tout le monde! Tiens, ça sent le poulet grillé par ici? Et ça sent plutôt bon! Je ne savais pas que vous étiez un cordon bleu, Peter! Mais non, c'est... Madame Grandjean, vous êtes ravissante ainsi! Oui, je sais, ce n'est pas tout à fait le coloris que je vous avais promis, mais j'ai réfléchi et je me suis dit que le noir anthracite vous irait mieux. Là, vous êtes bien là, très dégagée, partout... Avec une légère tonsure de la gauche vers la droite. Bon, écoutez, Madame Grandjean, Madonna n'aurait pas rêvé une telle coupe. Même dans ses pires cauchemars. Bon, je vous mets du gel. Cela aidera à faire tenir vos... Enfin, votre cheveux. Attendez, Monsieur Brushing. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, comme je le disais, c'est du gel et... Non, je veux dire la boîte qui contient ce gel. Faites-moi voir. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de fixer vos cheveux. Vous avez un style fou qui ne nécessite aucun artifice. Donnez! Bon, voilà, puisque vous insistez. Regarde, Rebecca, c'est le même plastique que les pseudo-verres de tout à l'heure. C'est étrange. Je ne vois pas ce qu'il y a d'étrange. Les verres de Carole sont en plastique et la boîte qui contient le gel de Peter est en plastique. La belle affaire. Ma petite Rebecca, tu simplifies toujours tout. C'est tout de même extrêmement bizarre. Peter? Peter Brushing, tout coupe, tout cheveux, prends aussi les enfants, j'écoute. Où avez-vous eu ce gel? Bah, je fais toujours mes achats chez Abdul Pola, notre épicier. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours acheté ce gel chez Abdul Pola, l'épicier. Ah, tu vois, Rebecca, je n'invente rien, c'est exactement ce que nous a dit Carole à propos de sa prétendue vaisselle. Et tu veux qu'il l'achète où? Chez le pompiste du coin, peut-être? Ah non, même le pompiste du coin se fournit chez Abdul Pola. Comment? Vous avez un pompiste à Bitbourg? Aussi loin que je m'en souvienne, oui. Ah, mais ça, c'est fort. Et elle est où, cette station-service? Vous avez dû passer devant, elle est tout juste au coin de la rue. Monsieur Vincent? Monsieur Vincent, dites, il est bizarre, votre mari, il a s'évanouir comme ça. En plus, je n'ai même pas eu le temps de balayer, il va avoir plein de cheveux partout. Et les cheveux de Madame Grandjean, ça tâche. Ce n'est pas mon mari, on n'a jamais couché ensemble. Je me demande quand même si je ne vais pas être obligée de lui faire du bouche-à-bouche. Non, attendez que mes cours de secourisme reviennent à la mémoire. Il me semble qu'il existe une méthode de réanimation bien plus efficace pour les lopettes de son genre. Bonjour. Mettez-moi un camel souple et un OCB, s'il vous plaît. Fait pas chaud, hein? Vous avez souhaité consulter un banquier en vue de l'élaboration d'un dossier de crédit épargne logement étudiant sans hypothèque? Non. Ne mentez pas, votre bouche dit non, mais votre cœur dit oui. Bon, d'accord. Avez-vous réfléchi à l'opportunité de souscrire à un crédit à 12% d'intérêt qui serait considéré comme une prime à l'emploi? Mais c'est une hérésie. Nous l'appellerons le PAX. 15 sur 5 alors. Et pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer? Vincent, tu débloques, tu chantes du Jean Ferrat. Et pourtant, vous n'êtes pas communiste. J'ai fait un rêve. Oh, mais ça pue. Mais qu'est-ce qu'on fait ici, là? Je t'ai amené ici, à l'épicerie. On n'arrivait pas à te réveiller, alors on t'a apporté jusque chez Abdul Pola. Il a des potions qui réanimeraient une vache. Et qui violeraient sur plusieurs points la convention de Genève sur les armes chimiques. Vous recommencez à faire de l'humour, monsieur David. Vous êtes en voie de guérison. Je n'ai rien fait, moi. C'est simplement votre collègue du bureau du secteur qui m'a demandé quelque chose de fort. Alors je lui ai donné mon débouchévier. Quoi ? En fait, je ne suis qu'une poussière dans l'univers sidéral qui pêche par vanité. C'est Carole qui me procure ce débouchévier. Excellent, de surcroît. Mais vous êtes un criminel ! Rebecca, il va m'en crouer ! Ah, il va m'en crouer ! Mais calme-toi, Vincent. On te croirait aux commandes d'un Panzer sur les Champs-Élysées. Et puis, pour quelqu'un que j'ai été obligé de transporter en brouette dans toute la rue, je te trouve bien vaillant. Comment comprends un con ? Bon, écoute Vincent, va faire un tour dans le magasin. Moi, j'ai quelques courses à faire. Et quand j'ai fini, je veux que tu aies oublié toute cette histoire idiote. D'accord ? Ouais. Ah, quelques pas vont me faire du bien. Alors, monsieur, est-ce que vous avez des civelles en boîte ? Oui, oui, bien sûr. Et dans des boîtes très spéciales. Vous allez m'en dire des nouvelles. Eh ! Ça y est, maintenant des pickles qui me parlent. Tout est normal, je vais bien, tout va bien. Et non, c'est moi, larynx géant. Quel nom ridicule pour des pickles. À la rigueur, oignons, carottes, tomates. Mais larynx géant. Votre informateur. C'est vous, larynx géant, mon informateur? Non, n'approchez pas, vous pourriez me voir. Attention, hein, ça ne veut pas dire que ça changerait quelque chose si vous voyez mon visage. C'est pas comme si vous m'aviez déjà vu et que je me fasse passer pour quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Oui, soyez plus clair, on ne comprend rien. En fait, je voulais dire... Enfin, je passais par là, et puis... ça va ? Ce n'est pas très charitable de poser cette question quand on connaît le début de ma journée. Non, mais... vous avez vu quelque chose aujourd'hui ? À part que j'ai découvert qu'il y avait une station-service à Bitbourg, et que j'ai bu du débouchévier, non ? Mais... attendez, là... Est-ce que par hasard, ce ne serait pas vous qui essayez de me soutirer des informations ? Monsieur Vincent ! Monsieur David. Vincent David. C'était pour voir si vous suiviez. Monsieur David, donc je suis un informateur professionnel. Et comme tout informateur professionnel, je possède de nombreuses informations. Plus même que vous ne pensez. Et je ne tiens pas à vous les livrer toutes comme ça. Et puis, en plus, cela vous coûterait trop cher. Je vois. C'est la loi de l'offre et de la demande. Exactement. Eh bien, monsieur Géant, que savez-vous au sujet de ces boîtes qu'on appelle ici PAX ? Plastic, alimentation, condition spéciale. Je crois que vous devriez enquêter du côté de la station-service. Pourquoi cela ? Dans une station-service, qu'est-ce qu'il y a ? Un pompiste ? Oui, mais qu'est-ce qu'on y vend ? Des barres aux céréales ? Non. De la bière ? Non. Des sandwichs pas très bons ? Mais non ! Qu'est-ce qu'on y sert ? De l'essence ? Oui, de l'essence. C'est ça. C'est 100 francs. Enfin, n'importe quel imbécile aurait trouvé cela tout de suite. C'est du vol. Et quel rapport avec les PAX ? Mais enfin, ces boîtes, elles sont en quoi ? En plastique. Et comment fabrique-t-on le plastique, d'après vous ? Avec du pétrole, bien sûr. C'est évident. Larynx, vous êtes vraiment formidable. Ça sera 150 francs. Ça a augmenté. C'est que je vous ai beaucoup aidé, hein. Et voilà, vous les avez bien mérités. Vous êtes vraiment un très bon informateur, monsieur Géant. Et je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Ah bon, bravo ! Je te laisse 5 minutes pour te calmer de ta folie furieuse, et je te retrouve en train de parler à une boîte de pickles. Mais non, Rebecca, tu n'y es pas, c'est mon informateur secret. Là ! Ah bah tiens, non, il est parti. Mon pauvre Vincent, t'es vraiment au bout du rouleau. Allez, viens, on s'en va. Prends tes amis les légumes au vinaigre, si tu veux. Ça te fera de la compagnie. Ouais, très drôle. Allons voir de plus près cette station-service. Allez, calme-toi. On fait la paix, d'accord ? Regarde ce que je me suis acheté, en solde en plus. Ce magnifique lot de boîtes en plastique. Tu vois, on peut mettre la plus petite dans la moyenne, petite, qui loge très bien dans la moyenne grande. Rebecca, tu es inconsciente. Et toi, hermétique à tout conditionnement. Donc, elle est bizarre, cette station-service. Y a pas un seul client. Pas étonnant. Tu as vu une voiture depuis qu'on est là ? Le paysan doit bien avoir un tracteur. À ce qu'on m'a dit, il y mettrait du jus de pomme. Eh oh ! Y a quelqu'un ? Eh oh ! Personne. Eh oh ! Regarde, il y a quelqu'un à l'intérieur. Entrons. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous n'êtes pas venu quand je vous ai appelé ? Vous avez une voiture ? Non. Alors, où voulez-vous la mettre, l'essence, hein? Je suis pas débile, hein? Du calme et du sang-froid, messieurs. Je m'appelle Rebecca comment déjà? Rebecca, ça suffira. Et voici Vincent David. Il est un peu bizarre, mais au fond, il est sympa. Il va sûrement vous poser de drôles de questions avec un regard étrange, mais il ne faut pas s'en formaliser. Monsieur? Bah, j'ai pas de nom, je suis anabaptiste. Il faudra savoir. C'est ridicule. D'abord, vous nous dites que vous n'avez pas de nom, puis vous vous affublez d'un prénom de femme. Ça a l'air d'être monnaie courante par ici. Vous ne comprenez pas, je suis anabaptiste. Un anabaptiste. À ma naissance, mes parents ne m'ont pas baptisé, et ce sera à moi de choisir mon nom et ma religion le jour de mes 18 ans. Mais vous avez beaucoup plus de 18 ans. Vous êtes voûté, ridé, et tous vos cheveux sont blancs. Mais là n'est pas la question, vous m'embêtez à la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Juste te poser quelques questions, gamin. Depuis combien de temps es-tu à Bitbourg? Bah, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été à Bitbourg, hein. Mon grand-père, puis mon père ont été pompistes, et puis ce fut moi. Qu'est-ce qu'il y a dans tes cuves, mon petit? Bah, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une station-service, d'après vous? De l'essence! On peut voir. Mais c'est que vous êtes complètement décolo-laqué du bulbe! Bon, suivez-moi. Et voilà, nous sommes devant les cuves de la station-service de Bitbourg. Excitant, non? Intéressant. Très intéressant. Tu as remarqué, Rebecca? Oui, il a dit décolo-laqué. C'est rigolo? Non, les cuves. Regarde bien, elles sont en plastique. Et si tu veux bien t'approcher, tu pourras voir ses initiales. P, A, C, S. Alors, Madame Baptiste, qu'avez-vous à répondre? Bah, Pax, Plastic Alimentation Condition Speciale. Ah ah, vous semblez savoir plus de choses que vous le laissez croire. Tu vas parler, gamin, ou je te jure que je te donne la fessée de ta vie. Non, arrêtez, je ne sais rien, je ne voulais pas être pompiste, c'est mes parents qui m'ont obligé. Moi, je suis un moine contrarié. Comment cela? Il veut dire qu'il est un peu gauche. Non, c'est que je voulais être moine, mais j'ai pas pu. Mais pourquoi? Parce que les moines sont à 7 et moi je suis seul. Waouh, le pauvre! J'ai rien compris là. Ouais, tu t'en sors bien cette fois-ci. Mais on reviendra. Et là, fais-moi comprendre. Tu craqueras mon chaud et tu rubiras récouré et nous recueillerons comme craque manette. Tiens, tiens, non, ne touchez pas tiens. Cette manette! Vincent! Attention! Bonjour maman! Bonjour Marthe, bonjour Sophie. Alors comment c'était aujourd'hui à l'école? Oh, c'était super! Oui, et puis même que sinon on a apporté un hamster, il était mignon, et puis on a joué, et puis on a dessiné. À la maîtresse, elle nous a appris à compter jusqu'à au moins 15 sur 5, et puis après on a... Oui, mes chéris, maintenant il faut y aller. Et puis papa a quelque chose à vous montrer. Oh oui! Papa a acheté une nouvelle voiture. Bonjour les filles. Bonjour papa. Elle est jolie la voiture que tu as achetée. Oui, et c'est grâce à la prime à l'emploi de papa. Prime à l'emploi qui représente une plus-value comparable à un crédit d'épargne. Réellement avantageux ma chérie. Mais papa ne vous a pas oublié mes chéris. Regardez sous vos sièges. Oh, des boîtes en plastique. Ce sont des Pax 15 sur 5. Avec un couvercle rouge, les meilleurs. Merci papa. Merci maman. Des jolies conies de vacances. Merci papa, merci maman. Tiens, Rebecca. Ouh, c'est marrant. Tu as des boîtes en plastique à la place des seins. Oh, il est encore sous le choc, il délire. Avec l'essence qu'il a absorbée, c'est normal. Sans compter ce qu'il a subi avant. Je commence à me demander si cet homme n'attire pas les ennuis quelque part. J'ai fait un rêve étrange. Oh, Carole, vous êtes là aussi? Ah, vous êtes jolie avec un poulpe sur la tête. Bon Dieu, Patrick Fury, mon poulpe domestique. Je le cherche depuis ce matin. Bon, mademoiselle, comment déjà? Je vous laisse remettre sur pied votre ami comme vous savez si bien le faire. Moi, j'ai affaire. Tu m'as fait une de ces peurs, toi, mais tu vas voir ce que tu vas prendre. Je vais te faire passer. Tout va bien, Vincent. Tu es en sécurité à la joyeuse goutte maintenant. Dors un peu, ça te fera du bien. Rebecca, je suis où, là? Tu es à la joyeuse goutte. Tu te rappelles? On était à la station-service. Tu t'es acharné sur le levier qui commandait l'ouverture des vannes des citernes. Et tu as reçu à peu près 500 litres d'essence et de gasoil sur la figure. On a bien cru que tu allais te noyer. Et le pompiste Anabaptiste était furieux. 500 litres de gâchés, hein? Ça va pas se passer comme ça! Rebecca? Oui? Tu penses que je suis fou? Mais non, David, tu n'es pas fou. Je constate simplement que tu étais venu à Bitbourg pour te détendre. Et que pour l'instant, c'est plutôt raté. Oh, Rebecca, tu es vraiment gentille avec moi. Et puis au moins, pendant ce temps-là, tu ne penses pas à Monsieur Dumbo. Ah, je suis une merde. Mais non, allez, viens, on va descendre au bar et tu vas voir que tu n'es pas aussi cinglé que tu ne le penses. BBFM. Bitbourg FM, youpi, c'est la fête sur les ondes en ce moment avec un grand jeu. En effet, il n'y a pas moins de 50 boîtes en plastique, toutes de tailles différentes à gagner. Et pour avoir le privilège d'empocher ces magnifiques cadeaux, une simple question. Pour pouvoir m'endormir du sommeil éternel, que choisir? Le cyanure ou la morora? Allez, monsieur le maire, vous mettez pas dans des états pareils. Nous, on vous aime, monsieur le maire. On sait tout ce que vous avez fait pour nous. Bon, vous ne m'avez pas trouvé de travail, c'est vrai, mais vous êtes à l'initiative de nombreux projets dynamiques pour Bitbourg, Enfin, vous auriez pu faire des choses mauvaises pour l'image de la ville, comme cette humiliation à la candidature au jeu de Bitbourg. C'est pas ce que je voulais dire. On vous aime, monsieur le maire. Votre sollicitude me touche, monsieur Branle-Pas-Une, mais les faits sont là. Je me suis fait humilier par une vulgaire représentante en conditionnement plastique. J'entends des cris et des pleurs, est-ce que je peux partager ma déprime avec vous? Oh, moi ça va, j'ai retrouvé Patrick Fiori, mon poulpe domestique. Mais on peut pas en dire autant de monsieur le maire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pendant que votre ami barbotait dans les hydrocarbures, une représentante en PAX est arrivée en ville pour renouveler les stocks des bites bourgeoises et des bites bourgeoises et présenter ses nouveaux modèles. Et c'est alors que le maire est arrivé. Vous savez, comme le maire a en horreur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une boîte en plastique. Je vous sers une petite bière? Dans des nids en plastique avec un sous-bac intégré? Vas-y, continue, j'en branle pas une. Oui. Et bien après quelques dizaines de minutes d'insultes bien senties, monsieur le maire et Mathilde, puisque c'est son nom, allait en venir aux mains, et c'est alors que Mathilde a déclaré au maire que, puisqu'il était contre le PAX, elle allait se présenter au municipal avec comme programme la libération de la boîte. Et j'ai accepté! Je lui ai même proposé un débat ce soir à la radio pour présenter nos programmes! Mais c'est super ça! Ça va donner un peu d'ambiance à Bitbourg! Côté ambiance, ça va, je ne me plains pas. Mais je n'ai jamais eu d'adversaire au municipal! Et je n'ai jamais fait de débat avec qui que ce soit! Et monsieur son conseil qui est introuvable. Avec lui, j'ai déjà débattu. On joue souvent à Jacadi et il m'arrive même de faire match nul. Match nul? Match nul? Oh, mais j'ai peut-être ma petite idée. Vous allez nous débarrasser de Mathilde? Je peux vous fournir des armes, si vous voulez. Non, ce sera pas la peine. Monsieur le maire, séchez vos larmes et préparez-vous pour ce soir. Si ce que je pense est vrai, nous allons bien nous amuser. Restez ici et attendez-moi. Viens avec moi, Rebecca. Je ne veux pas louper ça. Alors, Jean, tu reprends quelque chose? Moi aussi, j'ai du travail. Allez, à plus tard. Alors, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Justement, nous n'allons rien faire. Mais alors, pour déjouer la conspiration, ton idée et tout ça? Arrête Rebecca, tu sais très bien que je n'ai aucune idée. J'en ai marre d'être toujours largué, alors pour une fois j'ai fait semblant d'avoir une piste. C'est pas désagréable comme sensation. Eh bien, nous voilà bien avancés. Maintenant que tu as promis à tout le monde de régler le problème, alors que tu n'as rien, tu espères que cela va se finir comment? Je pensais rencontrer mon informateur secret à la région. Et tu penses que tu vas le trouver comme ça, assis sur le rebord d'une fenêtre? En plus, fais gaffe, tu vas tomber. Allons. Oh, mon Dieu, Vincent! Ça y est, il est tombé. Mais où est-il? Vincent? Vincent! Oh, mon Dieu! C'est pas possible d'être aussi bête. Me voilà bien maintenant. Impossible de ressortir par où je suis entré, ou plutôt tombé. Puis qu'est-ce qu'il fait noir ici? On dirait des sous-sols. Bon, je vais essayer par là. Une chance que je ne me sois rien cassé. Tiens, c'est bizarre, j'entends des voix. Mais oui, ce sont bien des voix. Et une lumière. Approchons-moi. Plus durer. Ouais, ouais. Nous savons tous qu'autant qu'on s'en souvienne, les boîtes en plastique nous ont toujours rendu de grands services. Ouais. Elles sont pratiques. Ouais. Elles sont jolies. Ouais. Certaines ont des couvercles rouges. Rouge. Ou bleu. Ou bleu. Ou vert. Ou vert. Ou lavande. Ah non, pas lavande. Or j'entends que dans cette ville, un homme, que dis-je, une engeance de la nature, voudrait s'opposer aux bienfaits de notre civilisation. Un être rétrograde voudra nous empêcher de profiter de tous les avantages que nous procure le Pax. Non. Trouvez-vous cela normal? Non. Pensez-vous que c'est juste? Non. Mais mes amis, mes chers concitoyens, cet homme n'est pas n'importe quel homme. Cet homme occupe de hautes fonctions, les plus hautes fonctions de Bitbourg même. Et il en abuse pour nous priver de nos droits les plus naturels. Connaissez-vous cet homme? Oui. Et cet homme est Peter Brushing Carole Non, Périsan. Non, mes amis. Vous vous fourvoyez. Notre ennemi est un homme. Il est un peu lunatique. Il apparaît dans toutes les manifestations officielles. Monsieur son conseil municipal. Ouais. Non. Je suis un homme. Je bois. Je dis des phrases incompréhensibles. Je suis contre le Pax. Je suis maire. Je suis le maire. Non, vous êtes Mathilde. Mais non. Notre ennemi, c'est monsieur le maire. Ouais, monsieur le maire. Alors, votez pour moi aux élections municipales. Ouais. Et le maire ne sera plus maire. Ouais. Et les gens seront libres d'avoir autant de boîtes qu'ils veulent. Ouais. Tous avec moi pour le Pax. Vive le Pax. Tous avec moi pour le Pax. Vive Mathilde. En avant, mes amis. Allons manifester sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Mathilde. Waouh, la politique s'affiche les jetons. Mais il y a plus grave. Hein, quoi? La réaction? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah, moi aussi j'enquête. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on devient informateur en restant chez soi? Et vous avez vu ça? Bien sûr. Et vous avez compris quelque chose? C'est Mathilde, la représentante en Pax. Je dois reconnaître qu'elle a un certain charisme. Ah, elle a aussi un auditoire de plutôt bonne composition. Mais vous disiez qu'il y avait quelque chose de plus grave. Oui. Vous avez entendu Roby aujourd'hui? Évidemment que j'ai entendu. Il n'y a pas moyen d'écouter une autre radio à Bitbourg, et comme c'est le seul animateur... Vous n'avez rien remarqué de spécial? Difficile de passer à côté. Aujourd'hui, Roby est dépressif à faire pleurer une colonie en visite à Disneyland. Et vous trouvez ça normal? Si je devais faire la liste de tout ce qui n'est pas normal dans cette ville, je serais obligé de raser la forêt de toute la région. Oh, d'accord, vous voulez dire qu'il y aurait un rapport entre le Pax et... Le spleen de Roby, oui, c'est cela. Vous devriez peut-être enquêter de ce côté-là. Merci, Larynx. Vous êtes vraiment un informateur de premier choix. Et pauvre aussi. C'est 200 francs. Elle commence à me ruiner, votre loi de l'offre et de la demande. Oui, mais pour le prix, je vous montre la sortie. Un escalier, bravo Larynx! Je file chez Roby. Tiens, c'est bizarre. Il n'y a plus personne dans les rues. Ils ne sont quand même pas tous partis manifester. Il faut que je retrouve Rebecca, elle doit être morte d'inquiétude. Allez, vite, à la joyeuse goutte. Tiens, c'est étrange. D'habitude, quand on veut aller quelque part, on prononce le lieu et hop, on y est. Je n'ai peut-être pas donné de bonbons. Sushi. Non, de Bitbourg. Non, ça va pas. Prime à l'emploi. Bonjour monsieur David, vous montez dans le bus ou vous attendez la prochaine ligne? Un bus? Et vous allez où? Direction la Joyeuse Goutte, via la Joyeuse Goutte. Allez, montez donc monsieur. Au point où on en est. Ah, monsieur Vincent, heureux de vous revoir. Où étiez-vous donc tous ces temps-ci? Votre dame est rentrée toute seule. Elle doit être morte d'inquiétude. Ah bah ça, je sais pas. Elle est tout de suite repartie, elle a dit qu'elle avait une réunion PAX et qu'elle comptait bien agrandir sa collection de boîtes en plastique. Ah mon Dieu, et vous l'avez laissée partir? Autant que je m'en souvienne, il n'a jamais été interdit d'aller à une réunion PAX. Ah, mais il ne faut pas y aller! Vous n'allez pas me dire que des boîtes en plastique sont dangereuses tout de même. Riri, il faut éliminer le réboir en parking. Trout, vous avez des verres en plastique? Il faut courir et détruire. Allez. Mais enfin, calmez-vous. Oh, mais c'est que je sais pas quoi faire quand il fait ses crises, hein. Et une dame comment déjà qui n'est pas là, elle saurait, elle. Bon, je crois que je vais essayer la bonne vieille méthode. Vincent? Cracria. Big up, big up, represent Pitbourg. On vient de s'écouter un requiem de Mozart plutôt chambé. Voilà qui devait vous donner la pêche pour toute la soirée. À propos de soirée, n'oubliez pas ce soir en exclusivité le grand débat pour les municipales qui opposera nos deux candidats, monsieur le maire et notre challenger Mathilde. Vous pouvez dès à présent téléphoner à BBFM pour poser vos questions. C'est à 21h, juste après notre émission de société, comment vivre pleinement avec un cancer en phase terminale. Et maintenant, un bon petit Mortchuman avec Il neige sur le lac majeur. A tout de suite, sauf si quelqu'un m'appelle, j'ai ouvert le gaz et la sonnerie du téléphone devrait faire sauter tout le studio. Monsieur le maire, que faites-vous? Bah, cela ne se voit pas. Je me pends. J'en ai assez de la vie. Mais vous n'arriverez à rien en accrochant une corde à la poignée de la porte. Porte qui s'ouvre vers vous par ailleurs. Je ne veux pas me poser des problèmes de mécanique. Je veux mettre fin à mes jours. Mais voyons, c'est pas raisonnable. C'est votre adversaire qui vous met dans cet état-là? Cette Mathilde, elle veut ma peau. Elle a séduit toute la ville et l'a montée contre moi. Avec ses petites boîtes sataniques, elle pourrait bien être élue au municipal. Monsieur le maire, il est un peu fort. Un peu fort. Mais écoutez! Vous entendez? Ils veulent que je démissionne. Je vais être ridicule ce soir au débat. Allons, monsieur le maire. Saisissez-vous. Vous êtes encore le premier homme de Bitbourg que je sache. Si vous restez calme, tout se passera bien. Vous n'aurez qu'à présenter votre programme. Mais quel programme? Autant que je m'en souvienne, nous n'avons jamais eu de programme à Bitbourg. Oui, bien sûr. Mais je vous ai laissé une liste en cas d'urgence. Ah, ça! Je suis allé à l'épicerie avec. C'est pour ça que Abdul Pola n'a rien pu me fournir. Et moi qui lui ai collé une amende. Bon, trouvons autre chose. Vous n'avez qu'à réfuter de manière ferme et définitive tous les arguments qu'elle présentera. Ça se fait beaucoup en politique. Que je fasse quoi? Dire non à chaque fois qu'elle ouvrira la bouche. Mais je suis d'accord avec elle! Je me suis rendu compte que dans ma vie, j'utilisais tous les jours des récipients en plastique. Ils sont fort pratiques, bon marché, et certains sont même dotés d'un couvercle rouge, alors... Monsieur le maire, faites de la politique, pas du sentiment. Alors vous réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, et vous me préparez une stratégie. Il y a des burnes grosses comme des pastèques, c'est compris? Oui, monsieur le conseiller, vous avez raison, je vais me reprendre. Bien. Dernière chose, Mathilde est votre adversaire. mais il faut faire semblant de la respecter. Respecter cette raclure de pité ? Oui, monsieur le maire, séduisez-la. Ainsi vous séduirez tous ses électeurs. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est ? Des boules caisses ! C'est pour vous aider à tenir. Bon, je vous laisse. N'oubliez pas tout ce que je vous ai dit. Ah, merci, monsieur municipal. Grâce à vous... Oh ! La corde ! La corde ! La porte ! Oh ! Bonjour madame, bonjour monsieur, et bienvenue sur BBFM. Rentrons tout de suite dans le vif du débat. Que pensez-vous de la prime à l'emploi ? Eh bien en fait, prime signifiant gain, un plus d'argent, je suis pour. Un crédit aurait été une épargne que chacun peut faire sans attendre de l'État le rôle de papa. Bien que l'étanchéité d'une prime ne soit pas comparable à celle d'un crédit. Remarque pertinente. Mais connaissez-vous nos packs 15 sur 5 avec le couvercle de couleur rouge ? Vos économies sont garanties. Comment ? Un pack 15 sur 5 ? Même pas la place d'y mettre une portion de riz à l'escalope au curry ! Mais que faites-vous des bas salaires ? Nous nous écartons du débat. Monsieur, pour les bas salaires, je propose les modèles cubiques 4x4, soit 16 cm carrés. On peut dire une portion de cloug. Madame, c'est une idée intéressante. Mais pour l'heure, je dirais plutôt... Vincent, réveille-toi. Tu n'as rien de cassé, juste une grosse bosse. Rebecca ? Où suis-je ? Où suis-je ? Où suis-je ? Tu n'es pas obligé de tomber dans le cliché à chaque fois que tu perds connaissance. Cela fait 3 fois aujourd'hui. J'ai regardé dans le Guinness Book et tu es loin de battre le record, alors arrête ça tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Deuxième cliché. D'après Carole, tu es devenu complètement fou et il ne savait pas comment te calmer. Alors, il a pris ce qui lui tombait sous la main, à savoir sa bouteille de débouchévier... Et il t'a assommé avec. Oh là, il est pas allé de main morte, hein. J'ai l'impression d'avoir une chorale de paysans dans la tête. Mais, ah, mais hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, des Pax. Pendant que tu traînais on ne sait où, j'ai rencontré une foule de gens intéressants. J'ai discuté avec plein de monde, tout le gratin de Bitbourg. Et puis, j'ai fait des achats. Tu savais que chaque liquide, que chaque solide, avait son conditionnement en plastique et à des prix défiant toute concurrence. C'est léger, solide, totalement hermétique et... Rah, pas comme eux. Il faut... Tout doux, l'ami Fritz. Ou bien ta Fräulein va te faire tâter du débouchévier. Allez, habille-toi, on sort ce soir. Nous sommes invités au débat de Monsieur le Maire et de Mathilde dans les studios de Bitbourg Eiffel. Oh, j'en profiterai pour questionner Roby. Il sait sûrement quelque chose, lui. C'est ça. Et tu pourras faire joujou avec ta grande conspiration. Hello les boys, hello les girls, hello les boys and girls. Dans quelques minutes, le débat entre Monsieur le Maire et Mathilde va bientôt commencer. Je vous rappelle les tendances de nos candidats. Mathilde lutte pour la libre circulation des personnes et des boîtes en plastique à Bitbourg. Et Monsieur le Maire ne lutte contre rien. En attendant ce pugilat d'anthologie qui ne s'est jamais vu à Bitbourg, nous allons vous passer 2 documents. Chaque extrait nous a été fourni par un candidat. Il s'agit d'une présentation de leur vie. Monsieur le Maire, s'estimant déjà connu, nous a donné les extraits sonores de ses dernières vacances. Monsieur Vincent, mademoiselle, comment déjà ? Comment déjà ? Vous ne changerez jamais, vous. Alors, Roby, ça va ? Ben oui. Non, mais je veux dire, ça va ? Ben oui, comme je vous l'ai dit. Mais la forme, le moral, tout ça, ça va ? Dites-lui, vous. Ça va ! Oh, mais vous avez un ton déprimé depuis le début de la journée ! Réprapropriable ! Ah ça, mon ton ? Je suis allé chez le dentiste ce matin, et il m'a fait une anesthésie locale, sans me prévenir. Et comme je suis le seul animateur, il faut bien que j'anime quand même. Mais je crois que c'est passé maintenant. Vous parliez toujours de mettre fin à vos jours. Moi, jamais de la vie. C'est un conseil de mon ami animateur, Edouard. Il m'a dit de mettre une dimension dramatique à mon propos. Et comme tout le monde est dingue de moi, j'annonce à chaque fin d'intervention que je vais mourir. Comme ça, mes auditeurs restent collés à leur transistor en attendant la suite. Terrible, non ? On sous de ma gueule dans cette ville. Arrête de t'énerver ou tu vas te remettre à parler allemand. Oh mes amis, comme je suis heureux de vous voir. Un peu de soutien ne fait jamais de mal. Encore que je ne sais pas si vous me soutenez. Peut-être que vous faites semblant de me soutenir et qu'en fait vous êtes contre moi. Ah, il faudra que je tire ça au clair. Mais vous êtes démasqué de toute façon. À propos, vous n'auriez pas vu monsieur son conseil ? Oh, monsieur le maire, vous sentez l'alcool à plein nez ! Ceci est plutôt normal, mon jeune ami, puisque j'ai bu. Monsieur du conseil m'a recommandé de me mettre à l'aise. Et je bois toujours quand je veux passer un moment agréable. Bon, nous n'avons plus le temps de parler de ça, monsieur le maire. Restez ici, ne bougez plus, attendez que je vous appelle. Et oui mesdames et oui messieurs, bidons bourgeois, bidons bourgeoises, ce soir c'est le grand soir, un fantastique combat qui va opposer 2 solides concurrents pour le titre de maire de Bitbourg, et qui sera simplement un tremplin pour des élections nationales. À ma gauche c'est le tenant du titre, sa réputation n'est pas à faire, il est champion toute catégorie en levage de coude, et en calembour pas drôle, c'est monsieur le maire. À ma droite, c'est le Challenger. Elle a été de tous les combats, de toutes les luttes. Elle nous revient aujourd'hui à Bitbourg pour défendre le PAX. Je vous demande une ovation pour Mathilde. Eh bien, madame, monsieur, bonsoir. Je vous poserai à chaque fois une question à laquelle vous devrez répondre tous deux rapidement et sans langue de bois. Ma première question sera d'ordre général pour vous mettre dans l'ambiance. Nous commencerons par vous, madame, par galanterie. Alors, Mathilde, pensez-vous que votre programme puisse apporter la paix et la joie à notre bonne vie de Bitbourg ? Mais tout à fait ! Mon programme, par l'introduction de conditionnement en matière plastique, permettra aux citoyens de Bitbourg de vivre au jour le jour d'une manière plus simple et plus confortable. L'introduction se faisant progressivement, je suis pour les réformes et pas pour les révolutions. Monsieur le maire. Attendez là. Oh, si monsieur son conseiller était là, qu'est-ce qu'il m'a dit déjà ? Vous n'aurez qu'à présenter votre programme. Ah oui, oui, attendez, je cherche... Monsieur le maire, c'est à vous. Ah oui, voilà. Éponge, produits vaisselle, des tomates, du mascarpone et des pickles. Mais c'est une liste de courses, ça. C'est mon programme et je le partage. Bien, monsieur le maire. Revenons à vous, Mathilde, si vous le voulez bien. Mathilde, dites-moi un peu comment vous comptez, si vous êtes élu, bien sûr, mettre en place votre grande réforme du PAX. Eh bien, cela va commencer par un remplacement de toutes les boîtes par les PAX. Ensuite, nous remplacerons les meubles par du plastique. Et ensuite, nous lancerons un grand programme d'urbanisation à base de plastique. C'est un projet ambitieux. Mais qui sortira de leur torpeur les bites bourgeois et les bites bourgeoises. Torpeur qui a entretenu le candidat sortant. Yes ! Ça, c'est une attaque directe et bien sentie. Monsieur le maire, que répondez-vous ? Vous n'avez qu'à réfuter de manière ferme, définitive, tous les arguments qu'elle présentera. Non ! Non ? Monsieur le maire, c'est ce que vous répondez à Mathilde ? Non. Vous voyez, Ruby ? Monsieur le maire ne sait pas quoi répondre. Monsieur le maire ne veut rien dire pour ne pas décevoir ses électeurs et ainsi se faire élire sur un lit de silence. Non. Monsieur le maire, ce n'est pas raisonnable, vous devez argumenter. Non, non et non. Je ne suis pas fou, je dirai non à tout ce que vous dites. C'est ma conduite politique et je la partage. Monsieur le maire... Non, laissez, Ruby. Une fois de plus, cet homme nous apporte la preuve qu'il ne possède pas de programme. Non. Il n'a aucun discours et ne propose rien pour l'avenir de Bitbourg. Je vous le dis, mes chers concitoyens, allez-vous continuer à soutenir un homme qui n'a plus toute sa tête ? Non. Monsieur le maire. Croyez-vous que cet homme peut vous représenter ? Non. Monsieur le maire, ressaisissez-vous. Mes chers compatriotes, laissez-vous guider par le PAX. À l'aube d'une nouvelle ère, il est temps de bâtir un nouvel avenir. J'ai piqué tous mes rabatteurs. Monsieur son conseil, à l'aide. Séduisez-la. Si vous séduirez tous ces électeurs. Pour amant. Ah, Mathilde, je vous aime. Ah, mais monsieur le maire se jette sur Mathilde. Il l'étreint sauvagement et il l'a... Non, non, non, c'est trop horrible. Coupez les micros. Je vais gagner les élections, hein, Mathilde. Mathilde, monsieur son conseil. Lâchez-moi, monsieur le maire. C'est monsieur son conseil. Lâchez-moi et je vais tout vous expliquer. Mais et le PAX, le débat, toute cette mascarade. Oui, j'aimerais bien comprendre aussi. Eh bien, cette manie de toujours dissoudre le conseil municipal. Vous perdiez de la crédibilité vis-à-vis des électeurs. Il vous fallait un adversaire à votre taille. Oh, je ne vous fais pas dire, hein. Alors j'ai imaginé cette idée de créer Mathilde. Elle représentait une concurrente et relançait la campagne électorale. J'ai trouvé des vêtements de femme et je me suis grimé. Et voilà le résultat. Mais dites-moi, monsieur son conseil, à quel moment aviez-vous décidé de vous démasquer ? Eh bien, juste avant les élections. Je me serais désisté. Mais alors, si Mathilde n'existe pas, je suis seul en lice ? Et si je suis seul en lice, je vais être élu maire ! Mais monsieur le maire, il en sera toujours ainsi. Oh là là là là là, je suis maire, je suis maire, je suis maire. Eh bien, quelle histoire, et dans tout ça, je n'ai plus débat. Qu'est-ce que je vais dire à mes auditeurs ? Eh bien, la vérité, Roby, la vérité. Que Bitbourg est une ville unique et qu'il lui faut donc un maire unique. Et un unique conseiller municipal, hein ? C'est exact, Roby, c'est exact. Hey, les boys et les girls, un jour nouveau se lève sur Bitbourg. Monsieur le maire a convaincu Mathilde et elle l'a rallié à sa cause. Nous souhaitons donc maintenant à notre ancien et futur maire une heureuse campagne et une bonne élection. À bientôt sur les ondes.